Bonjour Max. Lucie, j'ai des petits-enfants au primaire et ça fait dur en ce moment. Me demande si ça va avoir l'air de quoi d'ici peu en doctrinement et pire que pire. Ben, c'était pour ça le ministère de l'Éducation. Avant, c'était le ministère de l'Instruction, ils ont changé ça, ministère de l'Éducation. Mais l'éducation, ça n'a rien à voir avec les institutions publiques. L'éducation, c'est les parents, puis c'est à la maison. Mais là, c'est rendu que l'État considère que c'est à lui d'éduquer les enfants. De toute façon, il emprunte sur les salaires futurs de ces enfants-là en s'en servant comme garantie. Donc, il considère que c'est de la ressource humaine, puis que c'est de la, ça leur appartient. Puis oui, il y a de l'endoctrinement, c'est du formatage. C'est à ça que ça sert les écoles. Puis il est plus important aujourd'hui d'idéologiser l'enfant que de l'instruire. Le but de l'école, c'est savoir lire, écrire, compter, utiliser son sens critique, connaître son histoire. Ça devrait être ça. Mais eux autres, c'est le vivre ensemble, mais pas au sens. Pour eux, ça passe par une idéologie. L'éducation nationale, endoctrinement pour de futurs travailleurs bon marché, voilà. Ben oui, ben c'est un peu là, du collectivisme. Au fond, là, mais au sens de certains idéologues. Le travail dans les écoles, c'est une catastrophe. Oui, ben j'ai remarqué, même les Français écrivent de plus en plus mal. Je le vois en lisant des commentaires sous d'autres chaînes, puis c'est spécial, là. Les Français sont en train de perdre leur orthographe, sont en train de. La jeune génération écrit très mal. Ce que je ne pensais pas voir là, avec les Français. C'est surprenant. Mais bon. J'accompagne des enfants en difficulté. Il y a de plus en plus d'enfants sous tension, traitement. Ben, c'est certain. Ben, aujourd'hui, dès qu'il y a un enfant, on va soigner les symptômes pour médicaliser l'enfance. C'est pas une maladie, l'enfance. C'est pas une maladie comme on a médicalisé la vieillesse. C'est pas une maladie vieillir.